Si l'amour est un jeu, drôle de jeu pour nous deux. Si nous comptions à rebours, je préfère passer mon tour. Toute ma vie, tous mes sourires et mes ennuis, avec des on, avec des si. Dis-moi que c'est pas fini. Et si un jour nous sommes sans, aucun de nous n'y croit vraiment. Rappelle-toi nos souvenirs, pour le meilleur ou pour le pire. Je te donne toute ma vie, tous mes sourires et mes ennuis, avec des on, avec des si. Dis-moi que c'est pas fini. Tous mes sourires et mes ennuis, avec des on, avec des si. Dis-moi que c'est pas fini. Tu as le choix, c'est ton droit. Mais moi sans toi, ça rime à quoi? Un jour de plus, un jour de moins. Les deux si proches, bientôt si loin.